c'est les yeux qu'on veut cerner. À la reine d'un cendrier, la lumière a découpé sur la main qu'on veut jouer. C'est la sueur qu'on fait couler pour un regard lancé de loin. C'est l'ennui qu'on croit tuer que d'inonder ce va-et-vient. Il est quelque fuyante, tous ses yeux en retard. On les touche par avance et s'appelle au hasard. C'est l'ivresse qu'on croit rêver de nos cœurs pleins les mains, une occasion de se blesser pour des mots, pour presque rien. C'est autrement qu'il fallait dire, avec des gants, j'ai qu'une envie. Un travers qu'on laisse agir dans le doute, c'est mieux ainsi. Et les quelques fuyantes, tous ses yeux en retard. On les touche par avance et s'appelle au hasard. Et les quelques fuyantes, tous ses yeux en retard. Les touche par avance et s'appelle au hasard. Ça transpire sur les vitres, sur le zin d'un bar de nuit. Le rituel qui s'agite, se débat dans tout ce bruit. Et debout, on s'implique, explicite du même désir à pleines dents. Impudique, enfin, on ne sait plus quoi dire. Et les quelques fuyantes, tous ses yeux en retard. Touche par avance et s'appelle au hasard. Et les quelques fuyantes, tous ses yeux en retard. On les touche par avance et s'appelle au hasard.